بسم الله الرحمن الرحيم ندخل في سورة الأعلى سورة الأعلى في المسألة 23 بعد المئتين 223 مسألة من هذا الكتاب المبارك في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى verset yani dans la parole dans le sens où Allah dit et rappelle si jamais le rappel profite verset 9 قال المؤلف هذه الآية الكريمة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة نفعه بدليل إن شرطية donc ce noble verset peut laisser comprendre que le fait de rappeler cela n'est désiré que lorsque on pense que cela sera profitable du fait qu'il y a in, c'est-à-dire la condition, c'est-à-dire rappel, si le rappel profite. وَقَدْ جَاءَتْ آيَةٌ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَمْرِ بِالتَّذْكِيرِ مُطْلَقًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ وَقَوْلِهِ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِّرٍ Et d'autres versets sont venus, de nombreux versets sont venus pour montrer que l'ordre de faire le rappel, cela a été fait dans l'absolu, sans condition. Comme dans la parole, dans le sens où Allah dit, et rappelle, car tu n'es qu'un rappeleur. Al-Rashiyah, verset 21. C'est la parole dans le sens où il dit, nous avons certes facilité le Coran pour le rappel. Donc, qui se rappelle? Al-Qamar, la lune, verset 17. Qala ujiba anaza bi ajubatin kathira. Donc, cela a été, il y a eu plusieurs réponses, beaucoup de réponses qui ont été données à cette question. C'est yaskur ba'daha. Qala minha, أن في الكلام حذفا dans la parole il y a un retrait une parole qui a été enlevée en fait أي فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع c'est-à-dire rappelle si le rappel profite ou même s'il ne profite pas donc là il y a eu un retrait qui est وإن لم تنفع كقوله سرابيل تقيكم الحر أي والبرد ووقول الفراء والنحاس والجرجان وغيرهم donc il dit à l'exemple de cela c'est que dans la parole d'Allah dans le sens où il dit qu'il a fait des vêtements pour vous protéger de la chaleur surat An-Nahl dans les abeilles verset 81 des vêtements pour vous protéger de la chaleur et on peut dire également du froid et le froid n'a pas été cité dans le verset mais il est compris on le comprend car les vêtements on le sait, ont été confectionnés pour nous afin de nous protéger de la chaleur dans les pays très chauds et du froid dans les pays froids. Et ça, c'est l'avis de plusieurs ulama. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on déduit le retrait fait du verset. Également, parmi les réponses, « Anna bima'na iz »« Wa itienu in bima'na iz »« Madhhab al-kufiyin khilafan al-basriyin » Et que là, le sens de « in » serait le sens de « iz » que nous on traduirait par, en fait, le plus proche que j'aurais comme traduction serait le fait de dire « du fait ». Tu dirais en fait « rappel du fait que le rappel profite ».« Rappel du fait que le rappel profite » et non pas « rappel si le rappel profite ».« Iz », je le traduirais comme ça à peu près sur le moment. Donc certains disent que « in » ici dans le verset a le sens de « iz ». Et après, si tu as plusieurs preuves tirées de la langue arabe que « in » peut venir avec le sens de « is ». قَالَ وَمِنَهَا أَنَّ مَعْنَا إِنَّ فَرَتِ الذِّكْرَ أَلِي رَشَادِ إِلَّ تَذْكِيرْ بِالْأَهَمْ Après, il dit que le fait de le sens de ce verset également, ça a en fait le sens de d'exhortation au fait de faire le rappel parce qu'il est le plus important. ذَكِّرْ بِالْمُهِمْ أَلَّذِي فِيهِ النَّفْعُ دُونَ لَمَا لَا يَنْفَعْ فِيهِ فَيَكُنْ مَعْنَا ذكر الكفار مثلا بالأصول التي هي التوحيد لا بالفروع لأنها لا تنفع دون الأصول وذكر المؤمن التارك الفرد مثلا بهذا الفرد المتروك لا بالعقائد ونحو ذلك لأنه أنفع c'est-à-dire en fait que tu rappelles ce qui est le plus important en délaissant le reste par exemple ça veut dire que le sens rappelle aux mécréants مثلا les fondements c'est-à-dire le tawhid, sans lui parler, sans lui rappeler les furu', les choses qui sont liées au rite. Car cela, dans son cas, ne servira à rien qu'il apprenne, par exemple, la salat, alors qu'il ne connaît pas le tawhid. Sa salat ne sera pas valide. Et le croyant qui délaisse une obligation, toi tu lui rappelles cette obligation au lieu de lui rappeler مثلا les choses de l'aqida, car cela est plus profitable pour lui. Par exemple, un mu'min qui ne fait pas une adoration obligatoire comme le Ramadan, tu lui fais le rappel de Ramadan, par exemple, au lieu de lui parler, par exemple, de choses liées à l'aqida. Ça, c'est un call qui a été donné. Certains ont dit, « Minha anna in bimana qad, wa waqul kutrub. » Et certains, ils ont dit que ça a le sens de « qad », c'est-à-dire un sens de « yani profite », car il se peut que le rappel profite. Ou ça peut être également un sens de « takfir ». Ça peut avoir également un sens de takfir, le fait de dire profite, car le rappel profite beaucoup. Qad, c'est un sens de taklil et de takfir. Une chose qui a lieu beaucoup, une chose qui a lieu rarement. Il y a d'autres probabilités, et au final, il dit tout simplement وَالَّذِي يَظْهَرْ لِمُقَيِّدْ هَادِي الْحُرُوفْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُ وَبَقَى الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا. Donc lui voit l'auteur qu'en fait le verset, tout cela, on le laisse selon son apparent. On n'apporte pas de probabilité comme l'ont fait les savants précédemment. Lui voit que le verset reste selon son apparent. قال وانه صلى الله عليه وسلم بعد ان يكرر الذكر تكريرا تقوم به حجه الله على خلقه مامور بالتذكير عند ظن الفائده اما اذا علم عدم الفائده فلا يؤمر بشيء وهو عالم انه لا فائده فيه لان العاقل لا يسعى الى ما لا فائده فيه. Donc il tout simplement que le prophète صلى الله عليه وسلم après qu'il ait répété plusieurs fois maintes fois le rappel, cela suffit à ce que la preuve ait été donnée aux gens. Donc après, il lui a été ordonné de faire le rappel s'il pense que ce rappel aura une faïda. Mais si jamais il sait qu'il n'y aura pas de faïda, alors il ne lui est pas ordonné de faire le rappel, car il sait que cela ne servira à rien. Car la personne qui est raisonnable ne se fatigue pas à apporter ou à faire des efforts dans un travail qui n'a pas de fruit, qui n'apportera pas de fruit. قال وإيضاحه أن يقال بأي وجه يتيقن عدم إفالة الذكرى حتى يتباح تركها. Donc on dit, à quel moment peut-on être sûr qu'il n'y aura pas de faïda à citer le rappel, à tel point qu'il devient permis de délaisser ce rappel? Quand est-ce qu'on le sait? Il dit بيان ذلك أنه تارة يعلمه بإعلام الله له به كما وقع في أبي اللهب حيث قال تعالى سيصلى نارا ذات لهب وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَبُ. Donc il peut savoir cela comment? Par la révélation. Par la révélation que Allah lui révèle, comme ce fut le cas de Abu Lahab, que Allah Azzawajal lui a bien dit dans le Coran que Abu Lahab finira au feu, ainsi que sa femme. Donc là, Abu Lahab, il n'y a pas lieu de se fatiguer à aller lui faire le rappel. فَأَبُوْ لَهَبْ هَذَا وَمْرَأَتُهُ لَا تَنْفَعْ فِيهِمَا الذِّكْرَ لِنَا الْقُرْآنَ ذَلَا بِهِمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ بعد تكرار التذكير لهما تكرارا تكون عليهم الحجة فليلزم النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بذلك أن يذكرهما بشيء لقوله تعالى في هذه الآية فذكر إن نفعت ذكرى. Donc, car eux, Abu Lahab et sa femme, ont reçu le rappel maintes fois, à maintes reprises, donc il n'y a pas lieu maintenant de leur reciter la chose du fait que le prophète صلى الله عليه وسلم a su par le wahi que ces gens-là iraient au feu. Donc ça, c'est une cause qui amènera à délaisser le rappel et qui amènera à savoir que ce rappel ne sera pas utile. قَالَ وَتَارَةً يَعْلَمُ ذَلِكَ بِكَلِمَةِ الْحَلِ. Il peut savoir cela également par un indice de la situation. حَيْثُ يُبَلِّغُ عَلَى الْأَكْمَلِ وَجْهِ وَيَأْتِي بِالْمُعْجِزَاتِ الْوَاضِحَةِ فَيَعْلَمُ أَنَّ بَعْضَ الْأَشْخَاصِ عَالِمٌ بِصِحَةِ نُبُوَّتِهِ وَأَنَّهُ مُصِيرٌ إِلَى الْكُفْرِ عِنَادًا وَلَجَاجًا فمثل هذا لا يجب تكرير الذكر له دائما بعد التكرر عليه تكريرا تلزمه به الحجة. Donc il dit مثلا, quand on voit que مثلا le rappel a été fait de la façon la plus parfaite, مثلا il vient avec un miracle ou avec des choses claires, évidentes, irréfutables, et c'est que certaines personnes qui ont vu ces choses là savent que ces choses là sont véridiques mais refusent d'accepter, refusent d'admettre la prophétie et qu'il persisterait sur son kufr, cela par obstination, entêtement, et bien celui-là, il n'est pas obligatoire de lui faire le rappel à chaque fois, car on sait que lui, le rappel ne lui fait rien. Il a vu des choses les plus grandes, les plus immenses, il n'a pas accepté. Ce fut le cas de qui, مثلا, Pharaon. Pharaon, مثلا, il a vu des choses miraculeuses devant lui, les signes avec lesquels est venu Moussa alayhi salam, et malgré cela, il a vu la mer s'ouvrir devant lui, et au lieu de se soumettre à ce moment-là, il a persévéré, il a poursuivi Moussa pour essayer de le tuer, lui et son peuple. Et il n'a voulu se soumettre qu'une fois qu'il a vu qu'elle allait mourir. À ce moment-là, ça ne sert plus à rien. D'ailleurs, Moussa s'est sauvé avec Bani Israël, il n'a pas cherché à convaincre Pharaon. Il lui a montré le plus grand des signes, et il a vu que Pharaon ne voulait pas accepter. Donc c'était quoi sa priorité? Se sauver avec son peuple. Donc là, c'est une faïda et une hikma à prendre pour nous, quand des fois on veut trop s'acharner à vouloir conseiller des gens sur des choses qui sont évidentes, qui leur sont parvenues avec les preuves. Il n'y a pas lieu de tout le temps, comme on dit, répéter, car on a vu que le plus important a été donné, le plus clair a été donné, on va apporter le plus fort à la personne, donc se fatiguer à lui faire le rappel ne sert à rien. On ne dit pas que son cas est désespéré, mais on dit que nous, on a autre chose à faire. On a autre chose à faire. Et si la personne veut vraiment, après revenir accepter, elle viendra d'elle-même. Mais tout en allant voir la personne et lui faire le rappel, alors qu'on a vu qu'il n'accepte pas, ça ne sert à rien. À partir du moment où l'argument, la preuve lui est exposée, devant Allah Azzawajal, il n'a plus d'excuses. Naam. Hadha huwa kalam al-mu'allif yadil mas'ala, walhamdulillahi rabbil alamin.